sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne et Henri pour Entar Brezonek. Alors aujourd'hui, bah, comme d'habitude, on commence par Gary Warvué avec l'émission 351. Oui, voilà. Alors, Trihan Onan à Hunterkan. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler d'un mot qui est assez courant en breton, hein, qui est un mot qui vient d'assez loin parce qu'il a eu pas mal d'évolutions. C'est le mot hast. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça correspond au français hâte, mais bien sûr, avec beaucoup de sens différents, comme souvent, hein, on n'a pas exactement la correspondance entre deux mots. Alors, c'est un mot qui est d'origine germanique, donc on trouvait dans le francique ancien, et donc qui était hest, qui voulait dire en fait la violence. Alors, il s'est un petit peu adouci, en passant dans l'ancien français, et il a donné en ancien français hast. Et en français, on sait que ce s là a souvent disparu, et il est remplacé par l'accent circonflexe, le chapeau chinois, comme disent les enfants. Et par contre, en breton, ça arrive assez souvent, le s est resté, et on dit hast. Par exemple, hast meus, hein. J'ai hâte de quelque chose. Hastemus, par exemple, dans le Jésus Pagan Brasé, il y a la phrase Hastemus de Velen, Jésus me guire briette. Hastemus de Velen, Jésus me guire briette. Donc je suis pressé de voir le Créateur, en fait, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est pressé de mourir, en fait. Hein. Voilà. Alors hast, hein, qui a donné le verbe hastan qui est se dépêcher. Donc il n'est pas réfléchi en breton, hein, mais c'est se dépêcher, sans presser de faire quelque chose. Hastebun, voilà, justement. Alors c'est hastebun, c'est intéressant parce que c'est un pléonasme, en fait, hein. On dit dépêche-toi vite, hein, dépêche-toi vite. Et je l'ai entendu en français aussi, hein, mais dépêche-toi vite donc, hein. Voilà. Hastebun. Alors, on a d'autres dérivés. Par exemple, haster, c'est quelqu'un qui est pressé, hein, empressé même. Bon, il y a aussi alors hastivat, qui est se précipiter, hein, pour faire quelque chose. Et puis d'autres composés, par exemple, nastidizet, c'est la précocité, hein. Voilà. On utilise ça pour les plantes, alors, par pour exemple. Pour les plantes, oui, ouais, on peut. Hein, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors en breton, pour les plantes hâtives, on dit souvent abrède aussi, hein. Mm-hmm. Pâteau abrède, des pommes de terre nouvelles, des pommes de terre hâtives, voilà. Et die hastin, qui veut dire, ça s'écrit die hastin, hein, à courir. Hein, die hasten, à couru, quoi, voilà. Alors beaucoup d'expressions. Dérivé de ça aussi, hasbras, hein, pour renforcer encore. Hein. Voilà, nous on ne craint pas la redondance en breton. Hein, voilà. Souvent on utilise une autre formule qui vient aussi qui a été empruntée au français, qui est press, hein. Press, qui est la presse, hein. Presso Arnon. Donc il y a la presse sur moi, quoi. Hein. Voilà. Presso, hein, c'est urgent. Par exemple, quand il y avait des grands travaux, hein, c'est un peu moins maintenant, mais ça existe encore quand même. Hein, Preso Vuenzo Gante. Hein. Donc il y a la presse du foin, ou Preso Nest. Hein. Aujourd'hui, on dirait Preso Maïs au Gante, hein, puisque les cultures ont changé aussi. Hein. Alors presse, donc la presse, et par exemple, il y a aussi Dibres, hein, Dibres, qui n'est pas urgent. Quelque chose qui n'est pas urgent. Et dit braisan, ce serait, c'est d'ailleurs prendre son temps, hein, quand effectivement il n'y a pas d'urgence. Hein. Et dans l'urgence, c'est dre brise. Hein. Dre brise, me sgredze, hein, j'ai fait ça dans l'urgence. Parfois, on dit aussi présareuse, quand l'urgence entraîne une certaine désorganisation. Mmh. On voit ça dans les services administratifs, des fois. Présareuse, hein. Ça entraîne, quand il y a de l'urgence, ça entraîne souvent des conflits entre les gens, voilà. Prise l'arbre, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, prise l'arbre. Alors la formule, en fait, on dit souvent que la presse est sur nous, quoi. Prise au warnon, prise au warnon, prise au warnet. Oui, oui, il y a beaucoup d'expressions construites comme ça. Voilà, comme ça, construites comme ça. Mais warnon de ce que prise, en zorzo. Donc on va s'arrêter là-dessus. Très bien, on passe à la deuxième partie de l'émission, Brezonek t'en m'attend. Brezonek t'en m'attend. Henri, aujourd'hui dans Brezonek t'en m'attend, qu'est-ce qu'on va dire? On fait un petit tour, photo aérienne de Zantolo. Oui, c'est ça, parce que de temps en temps on fait ça, parce que l'idée de Brezonek t'en m'attend, c'est qu'on peut prendre à tout moment. Voilà. Donc on fait un petit rappel de temps en temps pour expliquer ce que c'est Zantolo, où ça se trouve, qu'est-ce qui s'y passe. Mais en résumé, pour en savoir plus, faut écouter régulièrement. Bah oui, pour découvrir les personnages un par un après. Voilà. Alors zel war zantolek. Voilà. Zantolek ze or barous de skreisbreis. Vraiment, ze war dro père en adulte au chôme bazantolek. Babarous zantolek ze or bourk à degeriaden. Waren kalak et mankar markal keruel à kerizel. Bakar markal ze or stank. Stank ar viline. Bakarizel a zo ar chapel kouant. Warren zan Nicolas eman kermark, kerplouz a kermane. Warren rostren eman kervern, a rosker, kerneve a kerblei. En tual d'ar blavez eman plou derrien. Babourg zan tolek eve kavet un tiker, un ilis, ur skol, ar reverzio, a gosteleri franchpen kouat. Bakreiz ar bourg eman plasen ar bourg, vel just. Armes kol koz, job ne delek, a zoet bremañ war eleve, met chomede prezident da gerridigez blenio zon tolek, a give prezident ar skipa imel droat. Ronan du a zo mes kol, labourad ar rag an nolwen talek, ronan du a zo nibian diwan an du, an aotrou person. Mai ne delek e grek job ne degelek. Mestres kol e boa, bremañ, eman war eleve. Jean-Louis Brice e ar Marshall, Drezan a raive ar veloio hag an notoioù ar vechou. Soaz e ivrek. Lou kermene ar barraer. Ivrek, mari kermene a zoet da VRS triblasso. Pierre Malguicher e ar merkoz, pak ar markalman o chom. Iwan an du ar person. Kaz a du da level just a zo o chom bazantolek. Ma peus roan d'an aoutne, chila wit bebzun Interbrezhonek. On reprend, phrase à phrase, ce petit tour de Zantolek avec Eri. Erzel war Zantolek, donc voilà. une petite vue. Un regard sur Zantolek. Zantolek azor barous de Skreisbreis. Voilà, Zantolek azor barous de Skreisbreis. Alors pour ceux qui cherchent sur la carte, hein, c'est pas loin de Pommery, de Trémargat, l'Henri XX par là. Hein. Oui, vraiment, The Wardro perd en adulte au chôme à Zantolek. Oui, maintenant, il y a environ 400 personnes qui habitent à Zantolek. Quand même. Ah oui. C'est plus gros que ça, Trémargat et Pommery. Oui, ça se repeuple. Ah oui. Babarou Zantolek a zor bourg à Deggeriade. Voilà, donc dans la commune de Zantolek, il y a un bourg et 10 villages. Warren Kalak et Mankermarkal, voilà. Keruel, Akerizel. Voilà, alors là, bien sûr, pour bien voir, il faudra voir la carte. Peut-être qu'on va mettre ça sur le site de ces jours. Oui, bien sûr, ça, sur Internet. Gens, voilà, les gens pourront regarder la carte. Donc sur la route de Kalak, il y a Kermakal, Keruel et Kerizel. Bah, Kermakal a zor stang. Oui, Kermakal. Stang Arviliné. Il y a un étang. Hein, c'est l'étang du moulin, puisqu'il y a aussi un moulin, et un meunier d'ailleurs. Ah oui. Bah, Kerizel, zor chapelle grande. Il y a, à Kerizel, il y a une belle chapelle, c'est la chapelle Saint-Hernin. On a été au pardon il n'y a pas longtemps. Oui. Warren Zan Nicolas et Mankermark, Kerplouz, à Kermané. Oui, Warren Zan Nicolas, Mankermark, alors il y a Kermark, Kerplouz, et Kermané. Warren Rostren et Mankerverne, à Rosker. Kernévé à Kerblé. Voilà, sur la route de Rostronin, il y a donc Kerverne, Eurosker, c'est-à-dire le vieux village, Kernévé, c'est le contraire, le village neuf, à Kerblé, le village du loup. En tuel d'Arblavez et Plouderien. Alors de l'autre côté du Blavet, il y a Plouderien, qui est une commune voisine, un peu rivale. On va de temps en temps faire un tour. Le moins possible. Babourg Zantolek, avec Kavet un Tiker, un Ilis, un Skol. À Reversio, à Gostelleri, Franchepenquet. Voilà, donc dans le bourg de Zantolek, on trouve la mairie, bien sûr, l'église, l'école, les commerces, et bien sûr, le bistrot de Franchepenquet. On était allé aussi. On est allé aussi, oui. Dans Kreisarbourg et mon place en Arbourg, belle juste. Voilà, au milieu du bourg, il y a la place du bourg, bien sûr. Armes Kohl-Kos, Chauvenet Delec, Azoet Bremont, Warilévé. Oui, alors là, c'est le. Armes Kohl-Kos, c'est pas le vieux maître d'école, c'est l'ancien maître d'école. Hein. Comme on dit, maire Kos aussi, l'ancien maire. Armes Kohl-Kos, Chauvenet Delec, hein. Il est maintenant à la retraite, Warilévé. Hein. Pour l'ancien mari, on dirait Guasco. Non. Un ex. Mais Chou m'aide président de la Guérédigues Blognos en Tolek, à Yves, président Arskipaï Mel Droite. Oui, alors il est resté président de l'association Blognos en Tolek, et les fleurs de Zantol, quand même, dont on parle souvent, et aussi président de l'équipe de foot, Skipaï Mel Droite. Ronandu, à Zomé School. Voilà, Ronandu, c'est le maître d'école. Laborarag en Nolwen Talek. Voilà, il travaille avec Nolwen Talek, et la jeune maîtresse d'école. Voilà, c'est deux jeunes maintenant. Ronan Du, Azo Nibin, Dimon Andu. Oui, notre personne. Alors Ronan Du, donc l'instituteur, c'est un petit neveu du recteur. Maïne Delek et Grec Jobne Delek. Alors Maïne Delek, c'est la femme de Jobne Delek. Meskolewa, vraiment, et Mawar Ilévé. Ah, Mestre Skolewa, elle était maîtresse d'école, elle était institutrice. Maintenant, elle est aussi en retraite. Jean-Louis Brise et un maréchal. Voilà. Alors, Jean-Louis Brise, c'est le maréchal Ferrand. Dresanra Ié à Veloyo, à Ganotoyo, à Vécho. Dresanra Ié à Veloyo, il répare aussi les vélos à Ganotoyo, à Vécho. Les voitures aussi, quand il n'y a pas trop d'électronique embarquée. Soaz et Ivrek. Soaz et sa femme. Louis Kermene et Arbarar. Voilà, Louis Kermene et Arbarar, puis leur boulanger, hein, c'est le boulanger. Alors, Yvray, Mike Armené, Azoet de VRS, Triblasso. Voilà, sa femme, hein, Mike Armené. Et alors, si on traduit littéralement, c'est être allé mairess, enfin maire, être allé maire, mais c'est le féminin, il y a 3 ans, dernières élections, là. Pierre-Mike Guichère et Armercos, voilà. Qui a remarqué le manchum. Alors, Pierre-Mike Guichère, c'est l'ancien maire, hein, Mercos, qui a remarqué le manchum. Iwan Andu, Arperson. Alors, Iwan Andu, c'est toujours le recteur. Je pense qu'il va faire 50 ans à Zantolek, celui-là. S'il se plaît. Ah ouais. Kalza Dudel, Veljust, Azo Chomba Zantolek. Il y a encore beaucoup d'autres personnes qui habitent à Zantolek. Ma Pesroan Danautne, Chilawit Bebzun, Hendar Brezonek. Voilà, si vous voulez les connaître, écoutez chaque semaine Hendar Brezonek. C'est de la pub, quoi. Ah bah oui, carrément. Oh, carrément. Bon, eh ben on va continuer, on va écouter Petra Zonnevervro maintenant. Alors Eric, Petra Zonnevervro. Ma calze draouzo et vel jus boyarvé, je dis aux hommes. Krogom de dienton vel custum grand de l'arbre douar. Ba misveurs, ma pejonge, calze dut, ma me stu de ski en bénéfice de l'arrêt, wem hont de garde or bla zéhour, hein, zéro roise, ma me svi de bla, mille noir en huézagatrugen, ba 1976 et galak, hag vigelar, adro, un homme zor vos zéro roise vi de blasé. Mais il y a juste n'est que bête dit ce temps me bête ag gwelare de rentre les bêtes hein plus dur zo bête dour ag amzerdin ag avelgri ag benefine vegwel ad ne ce que moyenne de hou de namza spedvi dans une rogue ag bon n'est que bran l'arpe sa amz oreille hein naba mise de heuil bon et je suis vraiment névé Amza, tram de dé, ni que bigualdom, ag vraiment on bat non de vote, m'avait fait bé d'un tombe, on tombe Amza en vrai, m'a mestra, on tombe tombe, m'avait fait bé mort, et vel juste vide un trévadou, ag vide un dut, gouel de vaux, mais bon un dut, ni que vide hormande, bête visé, vel leur chance, car un tel me fait bé reuse très dé, derne vang fait dé, car d'Amza zir, derne Amza glip, ag dis se manquant. Pewan au comms de ce neve arms roas ne waran ket agi plus clève puis plus bitro de clève d'or goukou gor blamant clève plus or goukou non mi mes clève nei di pdr gwej mais de war ze blanc ne wa ber an all en grand teg pdl on vel la lrl ag ne wa ke hira gano en ganti mais me mes trom mes clève di pdr gwej Ag ma trezen e barmo wa reyin en amzor, ma trezen de ganda ke tiemet peve hir, peve yin en amzor de war anket. Neske pelzo peve komz de strevadou, wa bet ba nou voitou zo or gerian en zo tos de razon, ag zo bet enan salon zo riot, ag uire e breiz amman doug en tregan de ze labour, de ze douar labouret, ve impliget evid riot, d'avant de vague en Londres des vel juste hein zoules puis zout kit puis d'everoise valerel ag orguedement et or mahamatan zo moyenne de grave de vie de Londres puis dur vezer grande Londres dohan velard des pochons erver ne zone droit rezion de bapenrock ag oscur thames bapendri ag ansé un goloré d'over zo un droit buis vie de l'arbre douar a setu ba nou voitou wabe de tu de vel tout pessonné vi war war l'arbre un drô de riot a calze dut zo bet enan evelze, evel just gwell pet zo wane, ba na farz. Vitchon moar dachen el ar bour douar, ministre neve zo bet ranvet, ba plaz an notre ou mer, notre ou le mer, vraiment vel an notre ou mer, Aliz, ou un ministre cause, a vraiment e Stéphane Orfol, zo ar braizad, hein, put dur de stu, y fan, tu y dat, et de The Berian, bah, Meneari, à de Stu Ivan et Ivan, mais de Zantrimuel, bah, Progalo. Ag, bon, on t'en mal de l'arbre, on est, un dins, vide, la canentra ou arrange, vide l'arbre d'oua. Orpès studiaden, puis on compte de ce l'arbre d'oua, ag, de ce nendro. Orpès studiaden, zo bégrède, ou aramzor de zone broderiga, ag, zévelar de Scott, un Scott zo, schéma de cohérence territoriale. Ag, comme ze zo bécals, justement, de zimpligen d'oua. Puis dur, bretan vraiment vigé que zé le bère de ze, de ze n'douar vide la bourrade, hein. Puis dur vigé gré de, hef jonge al calz, ben, n'amzor de zone. Vigé gré de, calz dir, calz kenverjou, ag, hinchou les dents. Ag, tant ma tante dit ce vigé bide, vigé deb de n'douar implige de grande l'or pour n'douar. Ah, vraiment, bonne, zo jour de longtemps me fait bémat, me mestra, mon douci qu'en grandzé, ag, bazer scots, vos classes d'esperne un douar labourdin. Da square, vos raids, jonge alpesamo de hadim pli gentir, a zo dilez et bakreiser bourke, pesamo de zével un tirné et war taché nous bi en or, ag, bonne calze draw et dis, bon, puis on compte de ce l'arbre doux à Rouas, très bien de dire, salons un l'arbre doux à un département, un terrali, avec, calze du zobé, des vels justes, à brome avec compte de ce espace, hein, au vos barroison, bah, mis gwengolaou. Pemple à Warnugunzo, à bécrou et leur espace, avec, blâme, du roi, vous gwell, l'énan Rouas, calze draw, Warren Dachen. Bah, ma me schools vel, leur espace, vous grêle battre malga, d'or hen divis, pe or holog ma peswant pe vel ard in galag, hein, di war ben un dour. Hag on ebet strolad ou neus non lak semblez evit de jusma zevel ur hen divis bamis gwen golau. Hag ar evel jus de vo ketiem e dedut vel bas pas, ma son vef ebet sterf digem ur ne ba tre malgat, mem eme stra vo kal je dud, hein, Pudur zo gotej de tro tri an de dud ma trezen vo ba tre malgat ba mis gwen golo o vit komps deus un dour a deus perzioù mad un dour. A pe sa mod gant dour net ba vro. Bon war dachen politiker ez bremañ zo moyen de l'art de yeshu ur votadegou, hein, votadegou zo bet hir blan, hein, pudur vije gret vid ur notre président nag vid un dileni di ba kamm un deputet, hag drevraz, be breiz am eet ur maout gant un tuklei war peptachen, ur président neve, hein, Fan Joland, evel just, deja oet gant un tuklei pezvelard Sena, galak zezo Kamberegos, bidur Benefina, zeo Stern, oa, Kamberegos, hag oet deja gant un tuklei, a bremañ kamm un député eet. Hag evel juz o kalz e l'arbre war a blanc on me bar evit re zo bet dilenet. A kalz reyoan, re en oan ki rog bopet zo bet dilenet. Hein. Hag peso zouezuz, breiz am zo bet eed mog gant un tuklei, mam eus l'er vije. Vot gwen betak bremañ, hein. Ba mor bihan, ba bro leon, biskoaz tiem edel. Zo bet gwelet. Bon, kom zo tamm de ze zevena dur bremañ. Vi pezel de ze brezon ek baskol war ze blan ne yak gwalvad un traoù ba marman. Kom ze ve kalz med un traoù nan ke kalz war ok. Da skoer ba kalak, zo rak trez evi digor in or las diou yezek, galak a brezon ek, a bugal e war zo, kalz zo lojer iz vid ar las, med sur war zo jacobine dresin dan o labourat e vid harz un traoù de von war o velve gwell et ali jiwas. Hag ne ke zur tam me bet vo gret bakal hag pes o bet jonge gant ar rak tres. a go square an el, da square deus nakemord an traoù gant ar brezhonek, dra istol vid ar vugal e pez o an druy e memes tra. No blasso oa be krou edo an abaden oa refer tri vid ar vugal e oa mouchik dal. Hag on draval oa vid ar vugal e gwelet bugal e el o komz brezhonek, klevet an tant brezhonek oa skinwell. Hag Hervé Clève, ne vaut que Gretchen, puis dire refaire tri, nous au cas espernern, à gouscoudé, ne grédant que des balbraisons, ne glacanicals erran, puis dire ne voit que bédon tombe à bord de nuit une minute, hag zé ou à bras, vider vugrali, hag Hervé Clève, bonne, ne vaut que Gretchen. Bonne, Hendel, pium comes de ce zévenadur, calze drogues au bavro, NDL, ba botora, ou à digor de Myrdi, war mirdi war brezel diouzon war batriote de bavro benefin hein hag bon ur mirdi bra de vel de calze dra ouve disket ba mirdise a hindel zo nosteliri zo digor da a dis zo moyen de monde chaque à longtemps bois de waler hag bon lara rande d'une montevelle donc talera bon montevelle bon wardache ne zoneres Ur strolad tu de zo labourad ur mar emañ, ou ar ton yo permin, permin de zi raun guir oa iv mene, a oa be les raun de permin, hag neus bet de labour de oa ar gavoten pa de pujan ni oa zarvet o strolad oa ideal jazz, zi oa rog brez el diouzan, hag jizmat zo bon kalze dun neus bet de bénéfique que ben enrol le calz hein maison de ce que calz de ce que mes fonds sur fur ni wabé de enrol dans tombe de huit mêlé mais de calz en aérien accordéon de son lac ou à l'air d'orzé vel Jean Quatleval hein de ce de zone de calz ton yo Yves Méné ag bon vraiment au strolatude ag studio hag zo labourad war tonio Yves Méné a zo war vo gret ur bladen war ze a ma peus oant vide chu vo chila oed an tam tonio deus Yves Méné gant le bourg Bodros